France Inter. France Inter.fr. Marins de toutes les mers, aviateurs de tous les ciels, artilleurs, fantassins, cavaliers de tous les pays, tués par la guerre, je vous appelle. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. L'Italie, front périphérique. Les fameuses cuirasses Farina, particulièrement renommées parce qu'elles permettent en plein jour des opérations d'une audace extrême. L'ennemi peut bien avoir des fusils, des mitrailleuses, des canons. Avec les cuirasses Farina, on passe quand même. Que l'Italie ne soit pas considérée par beaucoup d'Allemands et de Français comme un pays militairement sérieux, peut-être qu'elle soit parfois présentée comme un poids plutôt que comme un atout, soit tout de même, en 1918, au bout de 3 ans d'efforts sans précédent, les Italiens sont plus de 2 millions sur le front, retenant sur plusieurs centaines de kilomètres des Austro-Hongrois qui cherchent désespérément à être aussi nombreux. Que les combats se déroulent souvent en altitude et sous la neige n'en fait pas une guerre blanche sans importance. Il faut vraiment que le premier conflit mondial ait pris des proportions monstrueuses pour qu'on parle de front seulement périphérique. En revanche, ce qui est vrai, c'est que d'un côté, la dissolution de l'Empire austro-hongrois et de l'autre, l'hégémonie du fascisme dès 1922 ont gelé la mémoire, entravé l'histoire. C'est d'abord pour cela que ce front a été négligé avant de reprendre peu à peu sa place dans le paysage de la catastrophe. Gilles Bécou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Gilles Bécou, un grand spécialiste de la naissance de l'Italie contemporaine. Je cite le titre d'un manuel bien connu depuis une dizaine d'années. Et vous voulez insister sur plusieurs spécificités de l'Italie. La première, c'est que l'entrée en guerre est tardive, mai 1915, et qu'elle a été précédée par un vif débat qui a illustré les choix contradictoires possibles pour les Italiens. Oui, l'Italie entre en guerre tard, en mai 1915, et non seulement elle entre en guerre tard, mais elle entre en guerre contre ses alliés de la veille. Cela non plus, il ne faut pas l'oublier. L'Italie, depuis 1912, avait renoué avec son alliance, que l'on appelait la Triplice, avec les deux empires centraux, l'Autriche-Hongrie et l'Empire allemand. Alors ça fait beaucoup cela pour la spécificité d'une entrée en guerre dans le grand conflit européen. Il y a un gouvernement qui est encore influencé par les 10 années de pouvoir de M. Giolitti, oui, qui, comment dire, cherche à intégrer dans une culture politique démocratique le plus possible d'Italiens et qui ne cherchent pas la guerre, plutôt ça, la neutralité. Ça, c'est une chose. La classe politique est divisée, mais elle est tout de même majoritairement gagnée à l'idée de la paix ou de la neutralité que l'on décline, soit comme neutralité absolue. Il ne faut absolument pas prendre part à la guerre, ce qui est déjà, d'une certaine façon, un semblant de rupture de l'alliance avec la Triplice. En même temps, une forme d'engagement, soit comme neutralité active. Nous reviendrons peut-être sur cette expression qui est due au génie rhétorique, notamment de Mussolini, c'est-à-dire faisant en sorte que de cette neutralité, l'on passe vers l'intervention. Ce qui est certain, c'est que l'opinion publique italienne est hostile à l'entrée en guerre, qu'une grande partie de la classe politique italienne est hostile à l'entrée en guerre, quoique divisée au Parlement en même temps. Les libéraux de Giolitti que vous évoquiez, mais même au début, le président du Conseil qui succède à Giolitti, Salandra, n'est pas foncièrement gagné, de même que le roi au début a l'idée d'intervenir dans le conflit. Ceux qui ne le sont pas non plus, ce sont les catholiques qui traduisent là aussi une opinion qui est réticente. Quant aux socialistes, majoritairement, naturellement, ils sont hostiles à la guerre, quoique qu'une partie des socialistes réformistes, comme Bissolati ou de gens qui leur sont proches, comme Salvemini, eux, sont plus rapidement gagnés à l'idée de l'interventionnisme. Et certains socialistes peuvent évoluer. Ainsi, Benito Mussolini, nous sommes maintenant, après plusieurs mois de discussion, en avril-mai 1915. Le parti a choisi la neutralité absolue. La neutralité, c'est pour les uniques. Écoutez-moi, messieurs. Écoute-moi, toi aussi, Benito. Le prolétariat ne veut pas faire cette guerre. Il refuse de se faire abattre pour la bourgeoisie. La guerre est un suicide pour le prolétariat. C'est de la paix que nous vient notre pain. Cette guerre tuera la guerre. Tu es un valet de la bourgeoisie. Du calme, messieurs. En juillet, tu criais à bas la guerre. Et alors, j'ai changé d'avis. Il n'y a que les mulets qui ne changent jamais de route. Et ne croyez pas que la bourgeoisie se réjouisse de mon interventionnisme. Elle grogne. Elle m'accuse de témériter parce qu'elle a peur que le prolétariat armé ne se révolte contre elle. Oui, cette guerre dans laquelle l'Italie doit absolument rejeter toute neutralité fera tourner par le sang la roue de l'histoire de l'humanité. Le film Vincere de Bellocchio, retenez cette phrase, c'est le sang qui met en mouvement la roue vibrante de l'histoire. Et puis il faut que l'Italie soit plus grande, que ce soit plus qu'une patrie, que ce soit une puissance nationaliste qui, dans les colonies qu'elle cherche à vaincre, dans les terres irrédentes, là, du côté de l'Adriatique, ait le maximum d'influence. Oui, cela on peut le tirer en effet de la volte-face de Mussolini. Hein. On peut essayer de s'expliquer, d'expliquer pourquoi socialiste, et l'extrait que vous avez rappelé, montré là, fait évocation, évoque cela. Pourquoi Mussolini, de juillet 14, où il condamnait la guerre, passe à la neutralité active avec son article fameux du 18 octobre 1914 et puis véritablement à l'interventionnisme lorsqu'il fait sécession du Parti Socialiste. Alors, la question, c'est de se demander ce que cela traduit foncièrement au-delà d'un itinéraire personnel qui est aussi l'itinéraire d'un homme de 30 ans qui est un opportuniste, qui sent qu'il peut faire aussi carrière, une nouvelle carrière politique avec un nouveau journal sur cette thématique. Simplement, pour faire carrière, il faut être sûr que cette thématique morde. Et en effet, l'un des éléments qui permet à cette thématique de mordre, c'est qu'elle rencontre aussi le grand thème de la puissance l'Italie, de la puissance de la nouvelle Italie. Un thème qui n'est pas simplement lié, et surtout pas en 1914, à une forme de néo-impérialisme ou à une forme de une politique de puissance strictement agressive, mais qui est aussi liée à l'idée qu'il faut que l'Italie nouvelle, née avec le Risorgimento, c'est-à-dire la résurrection nationale qui en a fait un État national après 1861, donne toute la capacité de son être et retrouve surtout son intégrité territoriale. Alors Jules Pécou, les Alliés ont l'habileté de faire un certain nombre de promesses sur ce terrain que vous évoquez, oui. L'irrédentisme, l'Italie. La guerre s'enclenche pendant l'avril, le mai radieux, pardon, oui, c'est de une formule 15, d'Annunzio. Et il faut d'abord que vous nous décriviez, avant qu'on voit les opérations, la deuxième spécificité de cette guerre. Elle est marquée par un front dont la géographie physique est assez difficile à imaginer pour nous qui sommes habitués au front français. Oui, là, vous avez raison, nous voilà en guerre, hein, finalement. Mais 1915, on a déclaré la guerre, et ce qui était spécifique avant, le reste après, le feu, l'expérience du feu, et surtout le front, la morphologie du front, sont bien toutes particulières. Voilà un front qui est essentiellement un front montagneux ou de haut plateau, à l'est de l'Italie, à la frontière de l'Autriche. L'Italie déclare la guerre à l'Autriche, hein, d'abord au pays contre lequel, ne l'oublions pas non plus, on ne cesse de faire la guerre depuis quasiment plus d'un demi-siècle. Comme pendant le Risorgimento. Pendant le Risorgimento. Et le front, c'est une grande courbe qui part de Trieste à peu près, oui, pour rejoindre la frontière suisse. C'est une courbe, c'est une ligne de 700 km. Et retenons simplement cette idée, c'est que sur 700 km de front, il n'y a pas plus de 20 km de front qui passe en plaine. Cela nous en dit beaucoup. C'est un front de haut plateau, de paysages désolés et de montagnes. Et on lit quelquefois dans des témoignages, dans les quelques témoignages, et très beaux témoignages autobiographiques de soldats, plutôt d'officiers d'ailleurs, qui étaient sur le front, que le fait de quitter le front karstique, de quitter ces hauts plateaux dénudés et d'aller dans la montagne de temps à autre, même si c'était dur, sous la neige, avec des chemins escarpés, ben cela représentait une sorte de bouffée d'oxygène. Enfin, c'est un cauchemar logistique quand même, un front de montagne. Non seulement c'est un cauchemar logistique, mais c'est un cauchemar humain, nous y reviendrons. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un front montagneux, mais que les deux ingrédients de ce front montagneux sont le haut plateau et la montagne, et les forêts de montagne. Ce n'est pas tout à fait la même chose. En plus, c'est un front dans lequel, quand il y a quelques opérations de mouvement, eh bien, on met énormément de temps, on se déplace seulement avec des mules, comme souvent dans la guerre durant la guerre de la Première Guerre mondiale, mais plus encore là-bas. C'est peut-être pas une guerre de mouvement continu, c'est une guerre mouvementée avec des offensives, oui. Des contre-offensives, la roue du sang tourne, comme disait Mussolini. Oui. Nous allons décrocher. La division bat en retraite. Nous avons abandonné Montefiore parce que nous en avons reçu l'ordre. 3000 morts. Et maintenant nous avons ordre de le reprendre. À tout prix. 5000 morts. Nous attaquons immédiatement pour ne pas permettre à l'ennemi de consolider ses positions et de se retrancher. Nous ne passerons pas par le sommet de la montagne, mais nous la contournerons latéralement. Dans les recueils de stratégie, il est dit que celui qui tient le sommet de la montagne a en main les clés de la vallée, mais si on n'a pas d'artillerie, la clé de la vallée reste accrochée à la porte. Heureusement, le haut commandement autrichien est aussi bête que le nôtre. On ne leur enverra pas d'artillerie et la stratégie suivra son cours. Un extrait du film « Les hommes contre » de Francesco Rossi. Alors, je ne sais pas s'il y a une absurdité particulière dans le commandement italien, c'est difficile à dire, tant il y a chez tous les belligérants d'innombrables exemples de crétinisme militaire. Mais s'il y a une singularité, troisième spécificité, c'est dans la discipline, et ça on le sait peu, qui est imposée aux soldats italiens. Oui, le film dont vous avez donné un extrait, qui est tiré d'un des plus beaux romans témoignages de la Première Guerre mondiale, qui s'appelle « Une année sur les hauts plateaux »,« Un anno sull'alto piano », traduit en français récemment, et bien traduit en reprenant le titre du film de Rossi, « Les hommes contre », est un livre qui met l'accent en effet sur l'absurdité de la discipline, mais surtout sur sa cruauté, sa sévérité, son extrême sévérité. L'absurdité du commandement ne serait rien sans l'immense sévérité et cruauté de cette discipline. Le code militaire italien est l'un des codes les plus sévères des belligérants, l'un des codes les plus inhumains. Cadorna, le généralissime, par exemple, avait décidé, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, de supprimer toute circonstance atténuante pour définir le délit de désertion ou d'abandon de poste, ce qui fait que lorsqu'un soldat était en retard, un permissionnaire était retardataire, il était considéré comme déserteur et était exécuté. Durant la Première Guerre mondiale, en Italie, 4000 condamnations à mort ont été prononcées et 800 exécutions ont eu lieu, sans parler des pratiques de décimation et des exécutions sommaires. Les témoignages littéraires que l'on trouve sur la Première Guerre mondiale insistent tous sur cette chose-là. Alors, au-delà du constat de cette extrême sévérité, ce que l'on peut dire, c'est que tout cela, en même temps, est lié à un constat sociologique très clair. En réalité, l'une des caractéristiques, l'une des spécificités de l'armée italienne, et notamment pendant la Première Guerre mondiale, c'est que c'est une armée qui a peu de sous-officiers. Alors, on dirait que ce sont les officiers, les lieutenants, les capitaines qui servent le plus souvent réellement d'intermédiaires entre la troupe et les ordres. En Italie, plus qu'ailleurs, du reste, parce qu'il manque des sous-officiers. Et la carence de sous-officiers est aussi un des éléments extrêmement importants pour expliquer les clivages très grands, l'impossibilité de souffrir un certain nombre de mesures disciplinaires et le fait que, sans que cela soit toujours de vraies grandes mutineries, un grand nombre de mouvements dits d'insubordination, souvent très très durement réprimés, avec un arrière-plan, avec la condamnation d'un arrière-plan politique, l'idée que c'était les révolutionnaires et socialistes qui étaient là partout, ont lieu en Italie dès le printemps 1917. Sociologiquement, les officiers austro-hongrois, qui sont bien davantage des aristocrates, sont plus soucieux de leurs hommes. Quand on tend ce qu'on fait toute cette semaine, un point de vue transnational, on s'aperçoit que mi-17, il y a les mêmes symptômes qui s'observent dans toutes les armées. Les protestations, voire les mutineries, voire la révolution en Russie, l'impossibilité pour les uns et les autres d'emporter aussi cette année 17 la décision. Ainsi que le maréchal Pétain, qu'on va entendre, le dit fort bien dans un discours rétrospectif qui évoque la mi-17. Dans un terrain montagneux, l'armée italienne s'acharnait sur les Anjou à la conquête d'objectifs presque inaccessibles. Les Britanniques avaient attaqué à plusieurs reprises avec leur bravoure accoutumée, sans obtenir de résultats décisifs. En réalité, aucune de ces armées ne devait s'attendre à une aide militaire immédiate. Dans ces circonstances, une seule ligne de conduite s'imposait à l'OTAN. Devant l'énorme supériorité des forces des empires centraux, il lui fallait temporiser et limiter son action à contrecarrer les efforts de l'ennemi, jusqu'au moment où l'arrivée des armées américaines, changeant le rapport des forces au profit des alliés, eut permis à ceux-ci de passer à l'offensive. Il était à prévoir que les empires centraux, au contraire, mettraient à profit la défection russe pour concentrer leurs forces sur le théâtre occidental, en vue d'écraser les armées franco-britanniques avant l'arrivée des Américains. Un discours du maréchal Pétain, 20 ans après, peu connu, c'est un disque souple, collection Jacques Bernard. Et patatras, cet équilibre qu'évoquait Pétain, voilà que les Austro-Hongrois réussissent à le rompre. Octobre 1917, ils enfoncent les lignes italiennes. Caporetto, un désastre. Oui, la voix chevrotante de Pétain, qui sans doute était ministre de la guerre quand il a prononcé ce discours, je ne sais pas pour quel anniversaire. Il était encore président d'un comité de défense nationale. Oui, c'était vers 34 ou... 37. 37, ah non, il n'était plus ministre de la guerre, excusez-moi. Donc, Pétain rappelle en effet que après l'année 16 et le début 17, dans une situation de pseudo-équilibre sur l'Isonzo, en réponse aux grandes expéditions, dites expéditions punitives des Autrichiens, les Strafexpeditionen. Simplement, il rappelle aussi, et cela c'est vrai, que le sort de la ligne de l'Isonzo a changé avec la fin du mois d'octobre 1917 et la bataille de Caporetto. Ce qui s'est passé à Caporetto, je ne sais pas s'il convient de revenir dans le détail, mais en règle générale, ce que l'on peut retenir, c'est que l'armée, non pas autrichienne, mais austro-allemande. Ce qui est très important, c'est qu'en réalité, c'est l'armée allemande qui mène l'offensive à Caporetto, fait une percée, un percement même du front spectaculaire à un endroit stratégique du front de l'Isonzo, qui ouvre également sur toutes les plaines du Frioul. Alors, Caporetto, c'est une défaite. C'est même une défaite qui est passée au vocabulaire. Vous savez qu'en italien, il est coutumier d'utiliser dans le langage journalistique et pas seulement le mot de Caporetto pour désigner une grande défaite collective avec panique du commandement, etc. Je dois avoir l'honnêteté de dire que c'est surtout utilisé désormais dans le vocabulaire du commentaire des matchs de football, en disant ce fut un vrai Caporetto pour tel ou tel match. Quoi qu'il en soit, et pour revenir à des choses plus sérieuses, voilà une défaite, une vraie défaite militaire, stratégique, qui montre la suprématie de la tactique austro-allemande sur la tactique italienne. Cela tient à un mot, les Italiens sont habitués à un large front horizontal, à de longues et successives offensives sur ce large front horizontal, alors que les Austro-Allemands procèdent sous la forme de percées. d'expéditions, de reconnaissances de terrain qui n'avaient pas été, dont on n'avait pas mesuré le poids. Désordre, quasi panique, le général Cadorna que vous citiez remplacé et quand même la situation est stabilisée, 140 km à l'est sur un autre fleuve, le Piave. Sur le Piave. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. En prélude au séminaire qu'il va tenir toute l'année à l'école pratique des hautes études, c'est ouvert au public, hein. Renseignez-vous, cherchez Immeuble France dans le 13e arrondissement de Paris. Gilles Pécou parle de l'Italie en guerre. Alors là, il y a comme une gifle et il y a une sorte de réponse dans l'opinion, parce que les gouvernants disent aux Italiens, c'est le Risorgimento qui recommence, Venise qu'on avait arrachée aux Austro-Hongrois peut être reprise. Oui, ils disent surtout, c'est le Risorgimento qui a failli. Caporetto est une défaite militaire, mais c'est surtout considéré immédiatement et par les contemporains comme une gigantesque défaite politique, considérant que le peuple comme ses élites n'ont pas su être à la hauteur, selon les contemporains, un grand nombre de contemporains, la mission de l'Italie du Risorgimento, notamment de celle de cohésion nationale et politique, puisque, je ne l'ai pas dit précédemment, mais le grand problème de Caporetto, c'est que un généralissime, Cadorna, dénonce la lâcheté de ces soldats, alors même que c'est le commandement qui s'est rendu coupable d'un certain nombre d'erreurs. Bref, pour réagir à cela, que fait-on ? On commence par limoger le général en chef, en remplaçant Cadorna par le généralissime Diaz. On bâtit, on rebâtit un gouvernement dit d'union nationale autour d'Orlando. Et ce gouvernement d'union nationale, il se donne comme mission, comme vous le disiez, en effet, de remobiliser. Remobiliser l'économie, remobiliser la société et surtout remobiliser politiquement le pays autour de l'effort de guerre. C'est de là, vraiment, que datent, comme d'ailleurs en mai 1915, au moment de la campagne interventionnisme, les plus grands usages, les usages les plus importants et diffus de toute la mythologie de la Première Guerre mondiale comme quatrième guerre du Risorgimento. Il y eut trois grandes guerres nationales au XIXe siècle qui firent l'unité de l'Italie, dit-on, et la quatrième permettra de retrouver l'intégrité, de redonner à l'Italie son intégrité territoriale, mais surtout sa fierté nationale. Voilà la propagande. Quatrième guerre du Risorgimento, 4 millions de mobilisés, dont 2 millions sur le front du Piave, mais déjà sous le Risorgimento, il avait fallu faire appel à l'extérieur. Caporetto contraint les alliés à procéder dans l'urgence au déplacement de 11 divisions anglaises et françaises pour soutenir les Italiens. Oui. Albert Sarro, homme politique français, grande éloquence radicale, évoque la décision que doit prendre le président du Conseil français de l'époque, Painlevé. Malvé apporte à l'exercice des fonctions gouvernementales et au service de la France en danger telle force d'intelligence. Lorsque, dit-il, qu'à la nouvelle du désastre Caporetto, j'envoyais sur l'heure 6 divisions au-delà des Alpes, j'avais le sentiment profond d'obéir aux cruelles nécessités de la guerre pour le salut pour la liberté de mon pays. Dès notre arrivée en Italie, toutes les troupes se perfectionnaient dans l'utilisation des grenades VB, des mortiers Brandt et les masses autrichiennes qui, pendant de longues semaines, s'étaient entraînées à la guerre de montagne. Ils nous ont attaqué avec une fougue et, hélas pour nous, avec des lance-flammes. Ces lance-flammes nous ont causé des pertes considérables. Néanmoins, notre régiment, le 78e, a envoyé un bataillon pour aider les Italiens à reprendre les positions qui avaient été perdues. Et les Autrichiens se sont rendus compte qu'aucune percée n'était possible sur le front d'Asiago. Le capitaine Aron, alors un italianiste, dirait oui, mais les Français, ils étaient surtout à l'arrière. Ils creusaient des tranchées et les fabriquaient avec des rondins. Et il faut rappeler que peu après, on est maintenant au printemps 1918, contre-offensive allemande sur le front occidental. Foch a rappelé ses troupes alliées qui étaient en Italie et a rappelé aussi des Italiens. Il y avait des Italiens sur le front occidental. Mais bien sûr, Foch a rappelé quatre des divisions françaises qui avaient été envoyées en Italie. Mais surtout, Foch a fait en sorte que deux bataillons italiens viennent en France, commandés par le général Albrici et incorporés à la 5e armée du général Berthelot. C'est très intéressant, ça, parce que une mémoire du sacrifice italien, de l'effort italien sur le front français. Il y a notamment en France quelques grands cimetières italiens qu'on connaît beaucoup moins que les cimetières des autres belligérants. Il y a un carré important qui a été inauguré au début des années 1920 à Lyon, et au cimetière de Lyon. Et puis il y a un très grand cimetière italien à Bligny qui illustre ce sacrifice. Je voudrais simplement ajouter que les Italiens sont venus à la fin de la guerre, mais ils ont aussi combattu au début de la guerre. Et qu'il y avait eu des volontaires dès le départ. Avant la déclaration de guerre, il y a eu des volontaires. Et je rappelle que le dernier vétéran de la Première Guerre mondiale français, Lazzaro Ponticelli, n'est autre que Lazzaro Ponticelli, un volontaire italien. Vous parlez de mémoire, on la connaît très peu, cette mémoire du front italien. Il faut dire que le fascisme a gelé le souvenir. Vous disiez qu'il n'y avait que des officiers qui avaient écrit des livres et le pouvoir fasciste a instrumentalisé cette première guerre italienne. Oui, la mémoire de la guerre de 1915 est essentiellement liée, en réalité, à l'épopée nationaliste, interventionniste qui semble l'avoir déclenchée, et deux, et surtout, et cela va de pair, au régime fasciste qui a utilisé largement le souvenir des combattants, mais qui a aussi également largement utilisé le thème de la victoire mutilée et de la victoire frustrée d'après la Première Guerre mondiale. Donc, de part et d'autre du conflit, il y a le nationalisme exacerbé et ensuite la large utilisation par le régime fasciste de ce sacrifice de 600 000 morts. Dans la mémoire, ou bien c'est la quatrième guerre du Risorgimento, ou bien c'est le prélude au fascisme, il reste encore beaucoup de travail pour les historiens. Votre naissance de l'Italie contemporaine, c'est chez Armand Colin. Votre séminaire commence la semaine prochaine, vendredi 22. Alors c'est un jeu de piste auquel nous invitons nos auditeurs à participer que de découvrir le lieu où il se tiendra. L'émission était réalisée par Jacques Sigal avec Patrick Henry, Martin Cellier et Frédéric Martin.